l'apparition de la turpitude, de la rupture des liens de parenté et du mauvais voisinage. L'imam Ahmed et Al-Hakim rapporte d'après Abdullah ibn Amr, radiyallahu anhu, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « L'heure ne viendra pas jusqu'à ce qu'apparaisse la turpitude, l'obscénité, la rupture des liens de parenté et le mauvais voisinage. » At-Tabarani rapporte dans Al-Awsat, d'après Anas, radiyallahu anhu, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Parmi les signes de l'heure, il y a la turpitude, l'indécence et la rupture des liens de parenté. » L'imam Ahmed rapporte d'après Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Il y a, avant la venue de l'heure, la rupture des liens de parenté. » Ce dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé s'est produit, à savoir que la turpitude s'est propagée au sein de nombreuses personnes qui ne font aucun cas de parler de ce qu'ils commettent comme péché et de ce que cela peut amener comme châtiment douloureux. Les liens de parenté ont été rompus, la personne ne préserve plus les liens avec ses proches, c'est plutôt la rupture et le détournement. Des mois et des années passent alors qu'il se trouve dans le même pays sans qu'il ne se rende visite. Il ne fait aucun doute que cela provient de la faiblesse de la foi. Cependant, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a encouragé de préserver les liens de parenté et a mis en garde ceux qui les rompent. Il dit sallallahu alayhi wa sallam « Certes, Allah a créé la création et lorsqu'il eut terminé d'elle, le lien de parenté se dressa et dit « C'est cela la place de celui qui demande protection contre la rupture. » Il dit « Oui, ne serais-tu pas satisfait que j'œuvre en bien envers celui qui te préserve et que je prive de bienfait celui qui te rompt ?» Il dit « Certes » et lui de dire « Cela t'appartient. » Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit ensuite « Récitez si vous le désirez. Si vous vous détournez, ne risquez-vous pas de semer la corruption sur terre et de rompre vos liens de parenté ? Ce sont ceux qu'Allah a maudits, a rendus sourds et a rendu leurs yeux aveugles. Ne méditent-ils pas le Coran ? Ou y a-t-il des cadenas sur leur cœur ?» Sourate Muhammad, versets 22 à 24. Il dit également, sallallahu alayhi wa sallam, « N'entrera pas au paradis celui qui rompt les liens de parenté. » Rapporté par Muslim. Quant au mauvais voisinage, on peut en discuter sans s'arrêter. Combien sont les personnes qui ne connaissent pas leurs voisins, ne se soucient guère de leur situation pour leur prêter main forte s'ils en ont besoin et n'évitent même pas de leur nuire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de porter atteinte aux voisins. Il dit que celui qui croit en Allah et au jour dernier ne porte pas préjudice à son voisin. Il a également ordonné d'agir avec bienfaisance envers le voisin. Que celui qui croit en Allah et au jour dernier œuvre en bien envers son voisin. Rapporté par Muslim. Il dit aussi, sallallahu alayhi wa sallam, Jibril n'a cessé de me recommander la bienfaisance envers le voisin, à tel point que j'ai cru qu'il allait en faire un héritier. Rapporté par Muslim. Les vieux se font jeunes. L'un des signes de la fin des temps est que les vieux se font jeunes. Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, rapporte que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Il y aura des gens à la fin des temps qui se teindront en noir comme les poitrines des pigeons. Ils ne sentiront pas l'odeur du paradis. » Ce que relate ce hadith s'est produit à notre époque, car les hommes teignent leur barbe et leurs cheveux en noir. Je crois, et Allah est plus savant, que sa parole, comme les poitrines de pigeons, est une comparaison avec ce que font certains musulmans à notre époque, à savoir qu'ils rendent leur barbe comparable aux poitrines de pigeons en rasant la largeur et laissant les poils sur le menton. Puis, ils l'éteignent en noir, ce qui est comparable aux poitrines de pigeons. Ibn al-Jawzi, rahimahullah, dit « Le fait qu'ils ne sentiront pas l'odeur du paradis peut vouloir dire que cela sera dû à un acte qu'ils auront commis ou à une croyance, et non à cause du fait de se teindre. Ainsi, le fait de se teindre pourrait être une de leurs caractéristiques. De même qu'il, sallallahu alayhi wa sallam, dit que le fait de se raser la tête est une caractéristique des kharijites, bien que se raser la tête ne soit pas interdit. » Je dis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de se teindre les cheveux ou la barbe en noir. Jabir ibn Abdillah rapporte, on amena Abu Quhafa le jour de la prise de la Mecque. Sa tête et sa barbe étaient aussi blanches que le thuram. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit alors, changez ceci en utilisant quelque chose et évitez le noir. La propagation de l'avarice. L'un des signes de la fin des temps est la propagation de l'avarice. Abu Huraira, radiyallahu anhu, dit « Parmi les signes de l'heure est qu'apparaisse l'avarice. » Il rapporte également que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le temps se rapprochera, l'œuvre diminuera et l'avarice se propagera. » Muawiyah, radiyallahu anhu, rapporte avoir entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire « L'affaire ne deviendra que plus dure et les gens ne deviendront que plus avares. L'avarice est un caractère blâmable, réprouvé par l'islam en montrant que celui qui est préservé de sa propre avarice a réussi. » Allah Azza wa Jal dit وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ Et quiconque a été protégé contre sa propre avidité, ceux-là sont ceux qui réussissent. Surat al-Hashr, verset 9. Jabir ibn Abdillah, radiyallahu anh, rapporte du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qu'il a dit « Craignez l'injustice, car l'injustice est ténèbre le jour de la résurrection, et craignez l'avarice, car l'avarice a fait périr ceux qui étaient avant vous. Elle les a poussés à verser le sang et juger licite de s'en prendre à leurs proches. » Rapporté par Muslim. Al-Qadhi Iyad, rahimahullah, dit « Il est possible que cette perdition soit celle dont il informa à leur égard dans ce bas monde, c'est-à-dire le fait de verser leur sang. Il peut également s'agir de la perdition dans l'au-delà. Ce deuxième avis est plus probable, mais cela peut aussi vouloir dire que cela les mènera à la perdition dans ce bas monde et dans l'au-delà. » La profusion du commerce. La profusion du commerce et sa propagation au sein des gens, à tel point que les femmes participent au commerce avec les hommes, font partie des signes de la fin des temps. L'imam Ahmed et Al-Hakim rapportent d'après Abdallah ibn Mas'ud que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Avant la venue de l'heure, il y aura le fait de saluer des personnes en particulier et la propagation du commerce à tel point que la femme participera avec son mari au commerce. » An-Nasa'i rapporte d'après Amr ibn Taghlab radiyallahu anhu que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Parmi les signes de l'heure, il est que les biens se propagent et abondent et que le commerce se propage. Cela s'est produit, car le commerce s'est propagé et les femmes y ont participé. Les gens se sont épris du fait d'amasser la fortune et s'y concurrence. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a déclaré qu'il ne craignait pas pour cette communauté la pauvreté, mais plutôt que les biens de la terre ne s'offrent à elle, puis qu'ils se concurrencent. Il dit, sallallahu alayhi wa sallam, « Par Allah, ce n'est pas la pauvreté que je crains pour vous. » Mais je crains pour vous que ne s'offre à vous ce bas monde comme il s'est offert à ceux qui étaient avant vous, puis que vous vous concurrenciez comme ils se sont concurrencés, et que cela vous fasse périr comme cela les a fait périr. Rapporté par Al-Bukhari. Et dans une version de Muslim, et qu'elle ne vous préoccupe comme elle les a préoccupés. Il dit également, quand la Perse et Rome vous seront acquis, quel peuple serez-vous ? Abdurrahman ibn Auf dit, nous dirons ce qu'Allah nous ordonne. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam de dire « N'en sera-t-il pas autrement ? Vous vous concurrencerez, puis vous vous jalouserez, puis vous vous détournerez les uns des autres, puis vous vous détesterez » ou quelque chose de semblable. Rapporté par Muslim. La concurrence pour la vie engendre la faiblesse dans la religion, la perdition pour la communauté et la division de sa parole, comme cela s'est produit auparavant et comme c'est le cas aujourd'hui. La multiplication des tremblements de terre. L'un des signes de la fin des temps est la multiplication des tremblements de terre. Abu Huraira, radiyallahu anhu, rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « L'heure ne viendra pas jusqu'à ce que les tremblements de terre se multiplient. » Salam ibn Nufayl al-Sakuni dit « Nous étions assis chez le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. » Il cita le hadith dont « Et avant la venue de l'heure, il y aura une grosse épidémie suivie par des années de tremblements de terre. » Ibn Hajar, rahimahullah, dit « De nombreux tremblements de terre se sont produits dans plusieurs pays du Nord, de l'Est et de l'Ouest, mais il semble que cette multiplication signifie leur généralisation et leur persistance. » Cela est appuyé par ce que rapporte Abdullah ibn Hawala, radiyallahu anhu, qui dit « Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, posa sa main sur ma tête ou sur mon crâne et dit « Ô Ibn Hawala, lorsque tu verras le califat arriver à la terre sacrée, les tremblements de terre, les catastrophes et les événements importants se rapprocheront, et l'heure ce jour-là sera plus proche des gens que ma main que voici de ta tête. » L'apparition de l'engloutissement, de la transmutation et des pluies de pierre. Parmi les signes de la fin des temps, on compte l'engloutissement, la transmutation et les pluies de pierre. Aïcha, radiyallahu anha, rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Il y aura à la fin de cette communauté engloutissement, transmutation et pluie de pierre. » Elle dit, « Je dis, ô messager d'Allah, périrons-nous alors que parmi nous il y a des vertueux ? » Et lui de répondre, « Oui, si la turpitude apparaît. » Ibn Mas'ud radhiyallahu an rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: avant la venue de l'heure, il y aura transmutation, engloutissement et pluie de pierres. Un texte rapporte également que les athées et les partisans du libre arbitre al-Qadariyya seront atteints par la transmutation et les pluies de pierres. L'imam Ahmed rahimahullah rapporte d'après Abdullah ibn Omar radhiyallahu an que celui-ci a entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire: il y aura dans ma communauté transmutation et pluie de pierres, et cela touchera les athées et partisans du libre arbitre. Il dit aussi, sallallahu alayhi wa sallam, selon une version d'At-Tirmidhi, dans cette communauté ou dans ma communauté, il y aura engloutissement ou transmutation ou pluie de pierres pour les partisans du libre arbitre. Abdurrahman ibn Sahar al-Abdi rapporte de son père qu'il a dit: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'heure ne viendra pas jusqu'à ce que des tribus soient englouties et que l'on dise: qui reste-t-il de telle tribu? Il précise: j'ai su lorsqu'il dit des tribus qu'il s'agissait des Arabes, car les non-Arabes s'attribuent à leur village et non à leurs ancêtres. Muhammad ibn Ibrahim al-Taymi dit: j'ai entendu Baqi'a, la femme d'Al-Qa'qa ibn Hadi Hadrat, dire: j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire sur la chair: quand vous entendrez que mon armée sera engloutie prochainement, l'heure se sera rapprochée. Les engloutissements ont eu lieu à différents endroits de l'Est et de l'Ouest avant notre époque, et de nombreux engloutissements se produisent aujourd'hui à différents endroits de la Terre. Ce n'est qu'un signe avertisseur d'un châtiment douloureux et une peur occasionnée par Allah envers ses serviteurs, ainsi qu'un châtiment pour les innovateurs et les pécheurs, afin que les gens en tirent une leçon, retournent vers leur Seigneur et sachent que l'heure est proche et qu'il n'y a de refuge contre Allah qu'en lui. La menace d'engloutissement, de transmutation et de pluie de pierres a été adressée aux pécheurs parmi ceux qui utilisent les instruments de musique et boivent le vin. At-Tirmidhi rapporte d'après Imran ibn Hussein radhiyallahu an que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: il y aura dans cette communauté engloutissement, transmutation et pluie de pierres. Un homme parmi les musulmans demanda: ô messager d'Allah, et quand cela aura-t-il lieu? Et lui de répondre: quand les chanteurs et les instruments de musique apparaîtront et que les vins seront consommés. Ibn Majah, rahimahullah, rapporte d'après Abu Malik al-Ash'ari, radhiyallahu an, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: des gens de ma communauté boiront certes le vin en lui donnant un autre nom que le sien. L'on jouera des instruments de musique au-dessus de leur tête. Allah les engloutira sous le sol et changera certains d'entre eux en singes et en porcs. La transmutation est réelle et abstraite. L'imam Ibn Kathir, rahimahullah, explique la transmutation citée dans le verset: vous avez certainement connu ceux des vôtres qui transgressèrent le sabbat. Eh bien, nous leur dîmes: soyez des singes abjects. Surat al-Baqara, verset 65. Il s'agit d'une transmutation réelle et pas uniquement figurée. Cet avis est celui qui est le plus fort et celui émis par Ibn Abbas, radhiyallahu anhuma, et d'autres parmi les imams de l'exégèse. Mujahid, Abu al-Aliya et Qatada sont d'avis que la transmutation était figurée et qu'elle concernait leur cœur, mais qu'ils n'ont pas été changés en singes. Ibn Hajar, rahimahullah, a rapporté les deux avis d'après Ibn al-Arabi et a accordé la prééminence au premier. Quant à Rashid Rida, dans son tafsir, il fait prévaloir le second avis: il s'agit d'une transmutation dans leur comportement. Ibn Kathir rejette ce que l'on rapporte d'après Mujahid et dit: c'est une parole étrange, contraire au caractère apparent du contexte dans ce cas et d'autres. Il dit ensuite, après avoir cité une partie des paroles des savants: le but de cette citation d'après ces imams est de démontrer le contraire de ce qu'a choisi Mujahid, rahimahullah, à savoir que la transformation fut au sens figuré et non physique. Cependant, la vérité est qu'elle était concrète dans l'apparence et Allah est plus savant. Ainsi, s'il est possible que la transmutation soit également subjective, alors beaucoup de ceux qui se sont permis les péchés ont vu leur cœur être changé, ne différenciant plus entre le licite et l'illicite, ni le bien du mal, comparable en cela aux singes et aux porcs. Nous demandons à Allah le salut. Et ce dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a informé au sujet de la transmutation arrivera, que cela soit au sens figuré ou au sens propre. La disparition des vertueux. Parmi les signes de la fin des temps, il y a la disparition des vertueux, la diminution des gens de bien et la multiplication des malfaiteurs, à tel point qu'il ne restera plus que les pires hommes. C'est sur eux que l'heure surviendra. Abdullah ibn Amr, radiyallahu anhu, rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'heure ne viendra pas jusqu'à ce qu'Allah reprenne son élite parmi les gens de la terre. Il ne restera plus que les racailles qui ne commanderont aucun bien et ne réprouveront aucun mal. C'est-à-dire qu'Allah prendra les gens de bien et de religion, il ne restera plus que la racaille parmi les gens, les pires hommes et ceux en qui il n'y a aucun bien. Cela se déroulera quand la science disparaîtra et que les gens prendront des chefs ignorants qui émettront des avis juridiques sans aucune connaissance. Amr ibn Shu'ayb rapporte de son père qui le tient de son grand-père que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Les gens connaîtront une époque où ils seront passés au crible durant laquelle il ne restera d'entre eux que des crapules, dont les promesses et les responsabilités se seront corrompues et qui seront mêlés l'un à l'autre, de sorte qu'ils soient ainsi, et il croisa les doigts. » La disparition des vertueux aura lieu lorsque les péchés se feront nombreux, que la recommandation du bien sera délaissée ainsi que la réprobation du mal. Car quand les vertueux voient un mal et n'essaient pas de le changer et que la corruption se propage, le châtiment les touchera ainsi que les autres quand il arrivera, conformément au hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut questionné. Périrons-nous alors qu'il y a des vertueux parmi nous ? Il répondit, oui, si la turpitude abonde. L'élévation des plus vils des hommes. L'un des signes de la fin des temps est que les gens les plus vils soient au-dessus des vertueux et monopolisent leurs affaires. Ainsi, la direction des biens sera entre les mains des faibles d'esprit et des racailles, ainsi que de ceux en qui il n'y a aucun bien. Cela relève de l'inversement des notions et du changement de situation. C'est de plus une chose à laquelle on assiste à notre époque, à savoir que de nombreux dirigeants et gens de pouvoir sont les moins vertueux et les plus ignorants, alors qu'il faudrait mettre en avant les pieux religieux à la tête du pouvoir. Les meilleurs hommes et les plus nobles sont ceux attachés à la religion et les pieux, comme dit Allah. Certes, le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est le plus pieux. Surat al-Hujurat, verset 13. C'est pour cette raison que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ne confiait les commandements et les affaires des gens qu'aux plus vertueux et aux plus savants. Il en était de même pour ses califes après lui. Les exemples de cela sont nombreux. Al-Bukhari rapporte d'après Hudhayfa que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit aux gens de Najran, je vous enverrai certes un homme de confiance, vraiment de confiance. Alors les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam voulurent être cette personne, mais il envoya Abu Ubaida, radiallahu anhu. Voici quelques hadiths montrant que les racailles seront élevées et que cela fait partie des signes de la fin des temps. L'imam Ahmed, rahimahullah, rapporte d'après Abu Huraira, radiallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Les gens connaîtront certes des années insidieuses durant lesquelles on croira le menteur et démentira celui qui est véridique. On accordera la confiance au traître et considérera comme traître le digne de confiance et durant lesquelles parlera l'incapable. On demanda, et qui est l'incapable ? Il répondit, le faible d'esprit qui parle de ce qui concerne la masse. Nous trouvons également dans le long hadith de Jibril, alayhi salam, cependant, je vais te parler de ces signes. Et lorsque les va-nu-pieds seront à la tête des gens, cela fait partie de ces signes. Omar ibn al-Khattab rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Parmi les signes de l'heure, il est que l'abject, fils d'abject, domine le monde. Le meilleur des gens ce jour-là sera un croyant entre deux nobles. Quand la responsabilité sera octroyée à ceux qui n'en sont pas dignes, attends l'heure. » Abu Huraira, radiallahu anhu, rapporte « Parmi les signes de l'heure, il est que les vermines s'élèvent au-dessus des nobles. Est-ce ainsi, ô Abdallah ibn Mas'ud, que tu l'as entendu de mon bien-aimé ? Il répondit, oui, par le Seigneur de la Kaaba. Nous demandâmes, et qu'est-ce que les vermines ? Et lui de dire, les hommes vils, les gens de famille confuses que l'on élève au-dessus des gens vertueux et les nobles, ce sont les gens de bonne famille. Imam Ahmed rapporte d'après Abu Huraira, radiallahu anhu, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, la terre ne disparaîtra pas jusqu'à ce qu'elle appartienne à l'abject, fils d'abject. C'est-à-dire, jusqu'à ce que ses bienfaits, ses jouissances et la notabilité sur elle soient à lui. L'imam Ahmed, rahimahullah, rapporte dans une autre version selon Hudhayfa ibn al-Yaman, radiallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « L'heure ne viendra pas jusqu'à ce que celui que le monde d'ici-bas rendra le plus heureux des gens soit l'abject, fils d'abject. » Hudhayfa, radiallahu anhu, rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit concernant la disparition de la responsabilité jusqu'à ce que l'on dise de l'homme, comme il est patient, comme il est distingué, comme il est sensé, alors qu'il n'y aura dans son cœur même pas le poids d'un atome de moutarde de foie. Cela est d'actualité aujourd'hui au sein des musulmans qui disent d'un autre, comme il est intelligent, comme est bon son comportement. Il lui attribue les meilleures vertus, alors qu'il fait partie des gens les plus pervers, et ceux qui ont le moins de religion et de responsabilité. Il pourrait même être un ennemi des musulmans et quelqu'un qui agit pour détruire l'islam. Il n'y a de force ni de puissance qu'en Allah. Le salut n'est adressé qu'à ceux que l'on connaît. Parmi les signes de l'heure, il est que l'homme n'adresse le salut qu'à celui qu'il connaît. Ibn Mas'ud radhiyallahu an rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Parmi les signes de l'heure, il est que l'homme en salue un autre, ne le saluant que parce qu'il le connaît. » Et selon une autre version rapportée d'Ahmed, rahimahullah, avant la venue de l'heure, il est que le salut soit adressé à ceux que l'on connaît. C'est une chose que l'on remarque à notre époque, car beaucoup de gens ne saluent que ceux qu'ils connaissent, ce qui est contraire à la sunna, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a incité d'adresser le salut à celui que l'on connaît, comme à celui que l'on ne connaît pas, vu que cela permet de propager l'amour entre les musulmans, amour qui mène à la foi, qui permet d'entrer au paradis. Abu Huraira rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Vous n'entrerez au paradis que lorsque vous serez croyant, mais vous ne serez croyant que lorsque vous vous aimerez. Ne vous indiquerai-je point une chose, si vous la mettiez en pratique, vous vous aimerez ? Propagez le salut entre vous. » Rapporté par Muslim. La recherche de la science auprès des plus petits. L'imam Abdullah ibn al-Mubarak rapporte avec sa propre chaîne de transmission, d'après Abu Umayya al-Jumahi radiyallahu an, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Trois choses font partie des signes de l'heure. L'une d'elles est que l'on recherche la science auprès des plus petits. » L'imam Abdullah ibn al-Mubarak, rahimahullah, fut questionné au sujet des plus petits. Il répondit « Ce sont ceux qui parlent avec leur opinion. Quant au plus petit duquel le plus grand rapporte une parole ou un hadith, il ne s'agit pas d'un petit. » Il dit également à ce propos « Le savoir leur est parvenu de la part des plus petits d'entre eux, c'est-à-dire les innovateurs. » Ibn Mas'ud radhiyallahu an dit « Les gens ne cesseront d'être dans le bien tant que la science leur proviendront des compagnons de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et de leurs aînés. Mais quand le savoir leur arrivera de la part de leurs cadets et que leurs passions divergeront, ils périront. » L'apparition des femmes vêtues, mais nues. L'un des signes de la fin des temps est que les femmes s'éloignent des comportements islamiques en portant des vêtements qui ne cachent pas leur nudité et en montrant leur beauté et leurs cheveux ainsi que tout ce qui doit être couvert de leur corps. Abdullah ibn Amr, radhiyallahu an, rapporte avoir entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire « Il y aura à la fin de ma communauté des hommes qui monteront sur des selles comparables à des baldaquins. Ils descendront aux portes des mosquées. Leurs femmes seront vêtues, mais nues, et sur leur tête se trouvera une bosse semblable aux bosses des chameaux maigres à longs coups. Maudissez-les, car elles sont maudites. Si après vous, il y avait une communauté, vos femmes serviraient leurs femmes de la même manière que les femmes des communautés avant vous vous ont servi. » Et selon une version rapportée par Al-Hakim, il y aura à la fin de cette communauté des hommes qui monteront sur des selles confortables. Jusqu'à arriver aux portes de leur mosquée, leurs femmes sont vêtues, mais toutefois nues. Abu Huraira, radhiyallahu an, rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Il y a deux catégories des gens de l'enfer que je n'ai pas encore vus. Des gens qui ont avec eux des fouets comparables aux queues des vaches avec lesquels ils frappent les gens, et des femmes vêtues et pourtant nues, penchées et faisant pencher. Leurs têtes sont comparables aux bosses penchées des chameaux à longs coups. Elles n'entreront pas au paradis et ne sentiront pas son odeur, bien que son odeur soit sentie d'une distance telle et telle. » Abu Huraira, radhiyallahu an, rapporte « Parmi les signes de l'heure, il est qu'apparaissent des vêtements que porteront des femmes vêtues, mais nues. » Ces hadiths font partie des miracles de la prophétie, car ce dont nous a informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est produit avant notre époque et est encore plus manifeste de nos jours. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelé cette catégorie de femmes « vêtues, nues » parce qu'elles portent des vêtements, mais malgré cela, elles sont nues, car leurs vêtements ne remplissent pas le rôle de dissimulation du fait qu'ils sont fins et transparents comme la plupart des vêtements de femmes de notre époque. On dit également que le sens de « vêtue, nue » est « elle vêt son corps, mais serre son foulard et porte des vêtements serrés, afin de faire paraître les formes de son corps et de mettre en valeur sa poitrine et ses fesses, ou bien elle montre une partie de son corps. Elle sera alors châtiée pour cela dans l'au-delà. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décrit ces femmes en disant « vêtue, nue », mais aussi « penchées et faisant pencher. Leurs têtes sont comparables aux bosses penchées des chameaux à longs coups. » C'est une information au sujet d'une chose que l'on constate à cette époque. C'est comme s'il voyait notre époque et nous la décrivait. En effet, de nos jours, il y a des endroits connus sous le nom de salons de coiffure où les femmes peuvent arranger leurs cheveux, les rendre beaux et leur donner toutes sortes de formes, Ces lieux sont généralement tenus par des hommes qui touchent des salaires exorbitants. Mais cela ne se limite pas uniquement à cela. Beaucoup de femmes ne se contentent pas de cheveux naturels qu'Allah leur a donnés. Elles achètent ainsi des cheveux artificiels qu'elles rajoutent aux leurs pour qu'ils paraissent plus doux, plus brillants et plus beaux afin d'attirer les hommes.